C'est moi qui gère, c'est moi qui gère. Le son du casque, il est où? Au-dessus, juste au-dessus du casque. Juste au-dessus du casque. La prise, ouais. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you.